à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé du cinéma d'animation, le tout en 5 parties, nous allons parler aujourd'hui d'un autre style de cinéma d'animation, le style animé. Nous allons donc parler de son histoire et ceci sera la première partie. Commençons tout de suite par donner la définition du style animé. Un animé, parfois appelé Japanimé ou encore Japanimation, désigne une série d'animation ou un film d'animation en provenance du Japon. C'est le diminutif du mot animation, lui-même transcription de l'anglais animation. Alors que les toutes premières animations japonaises connues datent de 1917 et qu'un bon nombre de dessins animés originaux sont produits durant les décennies suivantes, la caractéristique et le style animé se développent durant les années 1960 grâce notamment aux travaux d'Osamu Tezuka et se popularise hors des frontières du Japon durant les années 1970 et 1980. L'anime, comme le manga, possède une large audience au Japon et est facilement reconnaissable dans le monde entier. Les distributeurs peuvent diffuser un anime par le biais de chaînes télévisées, par vidéo, au cinéma ou encore en streaming. Intéressons-nous maintenant à la terminologie du mot anime. Au Japon, le premier terme utilisé pour désigner les œuvres d'animation est le terme Senga Eiga, qui veut dire film dessiné, considéré comme un genre particulier du cinéma, et non un art distinct. Avec la popularisation du manga, le terme manga eiga, qui veut dire film manga, apparaît dans les années 1920 pour désigner une œuvre d'animation scénarisée, tandis que senga eiga devient un terme technique désignant l'aspect graphique. Doga eiga, qui veut dire film d'animation, est un des synonymes de manga eiga, apparu en 1937. Le premier spécialiste japonais à distinguer clairement cinéma et animation est Teihei Inamura dans les années 1940. Teihei Inamura était un critique de cinéma et un théoricien japonais né le 21 août 1911 et décédé le 26 février 1986. Après la Seconde Guerre mondiale, l'apparition de séries télévisées à bas coût comme Astro Boy, qui était la première, introduit un nouveau terme, Teribi Manga, qui signifie manga télévisé, employé jusque dans les années 1980 en opposition à manga eiga, désignant alors plutôt le cinéma d'animation. Le terme animation, écrit en katakana, les katakana étaient des éléments d'un des trois ensembles de caractères de l'écriture japonaise, apparaît également après-guerre, dérivé du mot anglais animation sous l'occupation américaine ou selon une autre théorie du français, dessin animé. Son diminutif animé se diffuse dans les années 1960 et 1970, remplaçant définitivement manga eiga et teribi manga dans les décennies 1980. Le terme reflète essentiellement la profonde modification de la production d'animation après-guerre portée par le studio Toei Animation avec deux grands axes. Les longues séries télévisées, commerciales à bas coût, dont Astro Boy, reste l'archétype, et les longs métrages d'animation sur le modèle de Disney. Les changements relèvent aussi de l'appropriation de techniques d'animation modernes permettant une production massive, rapide et peu onéreuse, comme la généralisation du celluloïde et l'animation limitée. Ainsi, l'anime se définit aussi comme un marqueur temporel pour les spécialistes délimitant l'avant et l'après Astro Boy dans l'animation japonaise. Au Japon, anime signifie animation au sens large, y compris étrangère, et couvre tous les supports, films, séries télévisées, OAV, etc. Au contraire, en Occident et donc en français, le terme animé désigne de nos jours spécifiquement l'animation japonaise. Les réalisateurs Isao Takahata et Hayao Miyazaki préfèrent toutefois définir leurs longs métrages d'animation comme des mangas eiga en opposition aux animés télévisés de moins bonne facture, ce qui joue donc sur la perception de l'animé au Japon. En effet, les animés sont très populaires au Japon. En 2001, Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki a battu le record de popularité dans ce pays, devançant le film Titanic. Parmi les films qui rencontrent en général le succès, on peut citer ceux du studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, dont Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel ou encore Princesse Mononoke, qui peuvent être considérés comme des chefs-d'œuvre du genre. Très souvent, ils sont en rapport avec un manga, soit l'animé est basé sur un manga à succès, soit un manga est créé d'un animé populaire. Parfois, les deux sont créés en même temps. D'autres séries comme Medabots ou plus récemment Tokyo Demon Campus s'inspirent de jeux vidéo. Enfin, beaucoup d'animés s'inspirent également de visual novels à succès. On peut ainsi citer Clannad, Fate Stay Night, F A Fairy Tale of the Two et Phantom of Inferno qui se sont vus adaptés en animé à la suite de leur succès commercial. C'est pour cela que différents types d'animés ont été créés pour distinguer chacun. Effectivement, en général, différents types d'animés sont distingués. Les séries, elles sont diffusées à la télévision. Si la durée habituelle d'un épisode est généralement de 24 minutes environ, le nombre d'épisodes total est variable selon les époques. Dans les années 1960, plusieurs séries d'animés comptent 52 épisodes, comme Speed Racer, et jusqu'à 193 épisodes pour Astro Boy. Durant les années 1970, Gatchaman s'étalait sur 104 épisodes et Lupin 3 sur 23. À la fin des années 1980, au début des années 1990, plusieurs séries ont dépassé la centaine d'épisodes, comme les Chevaliers du Zodiac avec leurs 114 épisodes, Sailor Moon avec ses 200 épisodes, ou encore Dragon Ball avec ses 163 épisodes. À partir du milieu des années 1990, le format en 26 minutes se répand et devient le plus conventionnel. Neon Genesis Evangelion, qui comptait 26 épisodes, Cardcaptor Sakura, avec ses 70 épisodes et ses 3 saisons, ou Kenshin le Vagabond, avec ses 104 épisodes et ses 4 saisons, en sont des exemples parfaits. De longues séries à succès, entendez par là des séries avec plusieurs centaines d'épisodes, voient le jour à partir du milieu des années 1990, avec Pokémon, Bleach, One Piece, Naruto, Fairy Tail ou encore Détective Conan. Il y a également les films d'animation qui sont destinés à sortir au cinéma et qui bénéficient du plus haut budget. Les Original Video Animations, ou OAV, eux sont des animés produits pour la vente en vidéo. Leur qualité technique est souvent meilleure que celle des séries car les délais sont moins contraignants et le budget plus élevé et sont pour un public plus ciblé. Il y a aussi les Original Net Animations, ou OAN, qui sont des productions similaires aux OAV, à la différence près qu'ils sont destinés à être diffusés sur Internet. Tous ces termes sont bien beaux, mais existe-t-il d'autres termes? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la partie suivante sur le lexique. Au fil du temps, certains termes associés également au monde du cinéma, mais plus particulièrement issus de mots anglais, se sont introduits dans le jargon des amateurs d'animés. En voici une petite liste. Filler, ce terme signifie hors-série, hors du contexte du manga original. Fleuve, un animé fleuve est un animé avec un épisode par semaine, contrairement aux animés sortant par saison. L'attente est moins longue, cependant la qualité graphique peut en faire les frais. Préquel, un préquel est un épisode produit après, mais concernant une histoire préalable. Par exemple, Cube Zero est sorti après Cube et Cube 2. Cube Zero est sorti en 2004. Cube est sorti en 1997. Cube 2 est sorti en 2002. Une petite particularité est que chacun des trois films était réalisé par un réalisateur différent à chaque fois. Ernie Barbarash pour Cube Zero, Vincenzo Natali pour Cube et Andrzej Sekula pour Cube 2. Pour les fans de films de science-fiction, nous pouvons citer pareillement l'exemple de Star Wars 4 qui est sorti en 1977 avant les autres opus. Sequel. Un sequel est une suite. Fansub. C'est le fait de traduire et de sous-titrer un épisode sorti au Japon mais pas encore dans son pays. Le fansub est très populaire auprès des fans car il permet d'éviter d'attendre l'adaptation des épisodes et de visionner ces dernières en version originale. Simulcast, c'est presque la même chose que pour le fansub, à la différence près que le simulcast est fait par une plateforme légale et en partenariat avec la société d'édition. C'est ainsi que se termine cette première partie sur le style animé. Dans la prochaine émission que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons de l'historique du style animé, de sa fabrication et de son adaptation. Comme toujours, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Créhistoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-lès-Miremont. Nous serons ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. Merci d'écouter Radio Gamozo. C'était Chris, prenez soin de vous, c'est bien sûr le plus important. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.